Bonsoir, Mère Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Dans un sommeil vieux de 2500 ans, le prince de Lavaux repose sur son char, torque d'or au cou, paré de ses plus beaux atours. Après la tombe de Vix, exhumée en 1953, voici 62 ans que les archéologues attendaient la découverte d'une grande tombe celtique et princière, épargnée des pilleurs. L'archéologie moderne a extirpé de la chambre sépulcrale de ce grand dignitaire champenois du 5e siècle avant notre ère un mobilier d'exception, le trésor de Lavaux, chaudron étrusque, œnocoé grec, bracelets et parures d'or. Depuis les fouilles et face à l'importance des trouvailles, l'ensemble du fragile mobilier a été confié au Centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF, afin d'entreprendre analyse et restauration. Après 2 années de travail et les premiers résultats émergents, je me suis rendu dans ce laboratoire, sous le Palais du Louvre, afin d'y rencontrer chercheurs et ingénieurs du C2RMF et de l'INRAP. Dominique Garcia, cela faisait un demi-siècle que les archéologues attendaient une telle découverte, celle de Lavaux. Oui, les archéologues n'aiment pas les découvertes uniques. La découverte de Vix en 1953 marquait un caractère d'unicum. Grâce à Lavaux, on arrive à mettre en perspective ce qu'étaient les princes et les princesses du monde celtique et leur rapport avec le monde méditerranéen. Donc cette découverte permet de faire, en fin de compte, un ensemble et d'analyser cet espace comme un ensemble et non pas comme un cas unique. Qui est le prince de Lavaux? Un petit potentat local régnant sur Troyes et sa région? Alors, quelqu'un qui règne sur un espace peut-être restreint, une cinquantaine de kilomètres de diamètre, tout au plus, mais quelqu'un qui est intégré dans un réseau plus large, qui associe les cités de la Méditerranée et le reste de l'Europe, peut-être la Baltique avec l'Ambre, l'étain de l'Atlantique. Donc, quelqu'un qui joue un rôle important dans la structuration économique de l'Europe et de la Méditerranée au 5e siècle avant Jésus-Christ. La fouille a bien sûr été rapide, c'était une fouille préventive, mais elle a été aussi extrêmement méticuleuse et elle apporte aujourd'hui quantité de renseignements sur le 5e siècle avant notre ère. La fouille a été rapide, quelques mois pour une découverte exceptionnelle, mais assez pour que les archéologues sur le terrain posent les bonnes questions, s'associent avec les bons spécialistes pour qu'ensuite le laboratoire puisse reprendre ces questionnements et que l'on puisse s'interroger de façon précise sur le site, le prince, son statut. Et aujourd'hui, effectivement, au C2RMF, on voit ressortir des aspects de la vie quotidienne de ces princes celtiques qui n'était pas visible sur le terrain. Ce que les ingénieurs de ce laboratoire, le C2RMF, découvrent, c'est ce que les archéologues ne peuvent pas découvrir. Ce que les archéologues voyaient en négatif sur le terrain, on voyait très bien le grand vase en bronze, on voyait un petit peu les roues de char, on voyait bien entendu au centre de la tombe le squelette du défunt avec le torcanor et les bracelets en or. Ce que l'on voyait mal, c'était la cuirasse qui équipait le squelette. Ce que l'on voyait pas du tout, c'était le casque qu'il portait. C'était les tissus, c'était les vanneries qu'il avait tout autour. Et ensuite, le décor de chacun de ces objets qui aujourd'hui nous renseigne sur les capacités du prince à réunir autour de lui des artisans de très haut niveau. C'est aussi une sorte de ceinture en cuir? Alors c'est une ceinture qui porte un décor extrêmement fin, qui rappelle effectivement le premier art celtique et qui montre qu'effectivement, autour des belles pièces exotiques, grecques ou étrusques, il y avait aussi un savoir-faire celte qui naît et qui se développe à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Lavaux, c'est un nouveau Vix, mais aux yeux des archéologues, la tombe princière de Vix n'a-t-elle pas été découverte trop tôt? Alors, on a toutes les périodes des techniques qui évoluent. Vix a sans doute permis, grâce à son importance médiatique au moment de sa découverte, de reparler du monde celtique, de replacer un petit peu le projecteur sur ces régions. La preuve aujourd'hui, quand en Bourgogne, en Champagne, se développent des travaux d'aménagement, l'État prescrit des fouilles parce que l'on sait qu'on est dans une région sensible et d'importance forte pour l'histoire des populations européennes. En tout cas, découverte par un agriculteur, Monsieur Moisson, la tombe de Vix a ensuite été fouillée par un professeur de lycée, René Geoffroy. Les méthodes ont été visiblement très brutales. Il y a une perte d'information considérable. Il y a forcément une perte d'information liée à cette fouille dans l'urgence. Aujourd'hui, l'archéologie n'est plus celle de l'urgence, mais celle de la programmation, y compris dans la fouille préventive, d'où le fait que dès l'étape terrain, l'INRAP s'est associé avec le CDRMF, sous le contrôle de l'État, pour mettre en place une fouille plus globale. Le terrain n'est pas le seul lieu d'activité de l'archéologue. L'archéologue ensuite travaille en laboratoire, essaie de mettre en perspective ces données, et l'AVO est la preuve, effectivement, de la détection jusqu'à l'étude, en passant par la fouille, qu'une opération archéologique est une démarche complexe, une enquête complexe. Donc la fouille de l'AVO n'a pas été, elle, découverte trop tôt, en 2015 ? Sans doute que les générations futures nous feront ce reproche, mais c'est à nous aujourd'hui de porter cette responsabilité et de faire au mieux, c'est ce que nous tâchons de faire quotidiennement, pour que les informations au maximum soient révélées, les réponses apportées, mais également peut-être avec modestie poser des questions qui seront résolues lors de prochaines découvertes. Avant de plonger voir les ingénieurs du laboratoire, j'aurais une dernière question, Dominique Garcia. Quoi qu'il en soit, il faut avoir de la chance en archéologie. La chance permet gloire, prestige et notoriété. Notamment René Geoffroy, professeur de philosophie, d'après ce que je me souviens, devient directeur du musée des Antiquités nationales. Alors sans doute que c'est de la chance, mais c'était sans doute un acharnement, une passion, une connaissance repérée dans un champ justement sous la pluie après un labour des objets, susciter les moyens, demander des moyens à l'État, mobiliser des personnes pour découvrir, c'était un peu plus de la chance, c'était du travail, c'était de la méthode, c'était de l'acharnement, c'était de la passion, tous ces éléments qui aujourd'hui sont associés au travail de l'archéologie. Dominique Ropsis, vous avez récupéré le matériel donc de l'AVO. Quel est le processus que ce mobilier a suivi tout d'abord ? Alors c'est un processus assez long, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par de l'imagerie optique simple, c'est-à-dire on va faire des photos en lumière visible, ensuite effectuer les premières observations pour essayer de comprendre un petit peu comment les objets ont été fabriqués, comment ils se sont altérés. Et la deuxième étape, ça va être de passer à la radiographie de rayon X, où là, on va avoir des détails de l'assemblage qui vont être déjà beaucoup plus précis. Donc, avant même l'analyse du matériau, on va déjà faire tout ce qui est observation en optique et en radiographie de rayon X. Si on prend le cas de ce petit pied de coupe, la coupe qui était en matériau organique, c'est-à-dire peut-être du bois, de la corne ou autre, a disparu, il nous reste le pied métallique. Donc, on a un petit pied qui paraît au premier abord tout simple, mais en fait, à l'observation rayon X, on va se rendre compte qu'il est composé de multiples éléments, puisqu'on a effectivement une tige centrale qui permettait de raccorder la coupe, mais en dessus, un premier cylindre, puis un deuxième cylindre, et un troisième cylindre qui est emboîté dessus, et ensuite, on voit le pied aussi qui vient fermer le système. Donc, sous l'apparence d'un objet très simple, en fait, on a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont assemblés, et on va essayer d'étudier ces techniques d'assemblage, de construction, pour les replacer dans un contexte technologique. Alors, ce pied de vase provient d'un nonokoué, c'est-à-dire un très beau vase grec ? Ah, celui-là, non. Justement, il provient d'une petite coupe à boire qu'on ne connaît pas, mais c'est tout à fait intéressant de comparer sa construction par rapport à celle de la base de l'onokoué, savoir exactement si on est dans le même contexte. Donc, elles sont en quels matériaux ? Ici, nous sommes sur des bases qui sont en argent et argent doré. Peut-être dans le cas de Nokoé ou de celle-ci, d'ailleurs, une petite tôle d'or en surface par endroit. Et il y avait un jeu de couleurs entre les parties, justement, argent et or, qui permettait d'avoir vraiment cette polychromie blanche et jaune. Donc, d'un côté, vous travaillez sur l'aspect technique, et de l'autre côté, vous plongez dans la matière ? Voilà, après cette première phase d'observation technique, on va s'intéresser au matériau lui-même, essayer de comprendre un petit peu quelles sont la nature des alliages qui ont été utilisés, s'il s'agit vraiment d'éléments qu'on va pouvoir comparer avec d'autres pièces qu'on connaît de cette période, afin de pouvoir étudier notamment tout ce qui est provenance, puisqu'ici on a des objets qui semblent provenir de différents contextes qui ont été retrouvés dans cette tombe, mais on va essayer de discriminer les alliages pour voir effectivement au niveau des argents et des ors utilisés, est-ce qu'on va avoir des éléments qu'on va pouvoir faire vraiment parler. C'est aussi extrêmement intéressant sur cette période-là, puisque je vous ai parlé d'argent doré. Et là, on est sur des techniques d'argent doré qui sont tout à fait spécifiques, puisqu'on a sans doute des argents qui sont dorés par diffusion. Donc c'est un phénomène qui est vraiment très utilisé dans l'Antiquité et qui précède la dorure au mercure. Puisque la dorure au mercure, en fait, on la connaît en Occident que vraiment à partir du 1er siècle après notre ère. Donc là, on est beaucoup plus tôt. Et cette technique de dorure par diffusion, finalement, a été jusqu'à maintenant très très peu étudiée, puisqu'on avait peu de mobilier présentant ces caractéristiques. Là, la chance qu'on a, c'est que surtout, on a un matériel qui est issu directement de la fouille, donc qui n'a pas été touché, qui n'a pas subi de traitement de restauration, donc qui va nous apporter énormément d'informations de première main pour comprendre tout cet univers technologique. Cette dorure dont vous me parlez, elle était déjà connue archéologiquement ? J'ai déjà étudié quelques pièces, notamment des pièces traces, qui présentent ces spécificités, c'est-à-dire une dorure où c'est vraiment une tôle d'or très fine qui va être appliquée et on va chauffer pour pouvoir réussir à joindre l'argent et l'or, donc quelque chose de tout à fait spécifique, et qui finalement va après pratiquement disparaître au début de notre ère pour être remplacé par la dorure au mercure. Paradoxalement, cette technique est parfois encore utilisée, mais dans des pays qui sont très très éloignés aujourd'hui, par exemple en Corée, où on pratique de façon artisanale encore cette technique, mais en Occident, à partir du 1er siècle, elle a à peu près disparu. Donc, vous me parliez des traces, on parle, nous, de matériel grec ou étrusque, et bien sûr celtique. On peut penser que les Grecs possédaient bien sûr cette méthode, et les Étrusques aussi ? Dans le cas du mobilier de traces dont je vous parlais, de toute façon, on est dans le monde hellénique. Donc, ils ont des contacts qui sont extrêmement forts avec les Grecs, et on est vraiment dans le même univers technologique, que ce soit effectivement en Gaule, que ce soit en Thrace, que ce soit en Grèce même. On a vraiment une unité des techniques. Certes, il y a des différences au niveau iconographique, mais on est dans le monde, même monde vraiment des artisans. Pour vous, ce pied de vase, il est grec ou étrusque, voire celtique ? C'est très très difficile à répondre. La meilleure réponse que je vous ferai, c'est que c'est une pièce qui est extrêmement complexe, qui demande vraiment des assemblages extrêmement précis, qui montre un travail d'atelier sans doute de relativement grande importance, et pas seulement d'un artisan isolé. Bastien Dubuis, ce pied, vous le voyez grec ou étrusque ? En tout cas, ou celtique ? Je ne le vois pas trop celtique, mais en tout cas, il emprunte des techniques plutôt exogènes au monde celtique, notamment les filigranes, en termes de décor également, le décor de palmettes, qui nous fait penser à un horizon méditerranéen. Par exemple, l'un des problèmes que pose ce pied, c'est la présence à la fois d'or et d'argent. Donc l'argent, ici, dans ce type de contexte, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On se demande son origine. On se pose beaucoup de questions, pourquoi le choix de ce matériau-là ? Pourquoi sur cette pièce-là ? Il y a plein de problématiques à développer. On est devant aussi la radio d'une pièce absolument majeure, à savoir un vase à vin grec, donc produit même très probablement, ou même sûrement à Athènes. Lui aussi a une drôle d'histoire avec des rajouts. Il a une longue histoire, ce vase. Déjà, c'est un vieux vase dans la tombe. Il a été produit vers 500 avant notre ère. On le retrouve dans une sépulture datée vers 450 et on retrouve un vase qui n'est pas le vase d'origine. Donc on a cette forme de nokoé en céramique peinte qui est bien grecque mais qui supporte un ensemble de décors métalliques en or et en argent qui, eux, font référence à d'autres horizons, d'autres techniques. On peut penser à l'horizon étrusque, notamment pour l'usage des filigranes en or. Et puis l'horizon celtique, pourquoi pas, pour le décor d'argent ajouré. Donc voilà, un objet qui est un peu à la rencontre des cultures, qui symbolise peut-être ce monde en relation étroite, là, entre le monde méditerranéen et le monde celtique. Et puis un objet qui est décoré aussi pour renforcer sa fonction centrale dans le rôle du banquet, la consommation du vin, le symposium. On va aller juste en face, puisqu'on a l'original sous les yeux, autant en profiter, puisque personne ne les a vus encore. Donc là, on le voit bien, c'est une très belle figure noire, ce qu'on appelle une figure noire, hein, avec une représentation d'un dieu. Oui, alors on est face au dieu du vin de la vigne, donc Dionysos, qui semble allongé effectivement sur une banquette. On voit une grappe de raisin juste au-dessus de lui, et lui faisant face un personnage féminin, sans doute Ariane, sa femme. Alors, on ne voit pas la suite de la scène, hein, ici sur l'objet tel qu'il est conditionné, mais il y a un troisième personnage qui semble jouer d'un instrument de musique, on peut penser à un satyre. Et donc on serait face à une scène de banquet, la mise en scène donc de la consommation du vin avec des personnages de la mythologie grecque qui paraissent ici bien exotiques dans ce contexte. On peut se demander quand même à quel point le prince de Lavaux comprenait ce monde-là, à quel point il se l'était accaparé. On a l'impression dans cette tombe qu'il y a une ambiance assez cohérente entre de multiples objets qui font référence à la consommation du vin, et que donc peut-être le prince comprenait très bien, avait de bonnes notions de ces pratiques culturelles méditerranéennes et de cette mythologie-là. Des vases, des eunuques, pour utiliser le mot exact, il y en a quantité au Louvre ? Il y en a quantité au Louvre, mais aucune, je crois, qui nous provient de nos contrées nord-alpines, en tout cas de ces principautés celtiques. On a affaire au seul vase complet de ce type trouvé dans un grand quart nord-est de la France. Et puis, c'est le seul cas, je crois, d'eunuque trouvé en contexte de tombe princière. Voilà, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, c'est quand même un objet relativement commun, un objet en céramique, commun en Grèce, et qui se trouve ici placé au centre donc d'une mise en scène qui le définit comme la pièce centrale, celle qui sert à distribuer le vin aux convives. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il est décoré à ce point-là de ces fins motifs en or et en argent. Oui, mais ceux du Louvre sont entièrement grecs. Le vôtre, en 50 ans, il a été largement bricolé, peut-être par les Étrusques, par les Gaulois aussi. Oui, il a été transformé, il a été amélioré, entre guillemets. Alors on peut se demander si c'est pour les goûts du prince. En tout cas, cet objet, il a été hissé au niveau de sa fonction centrale par l'apport de différents décors en or et en argent, avec des techniques exogènes, effectivement sans doute étrusques, pourquoi pas pour les filigranes, et puis des décors aussi qui sont purement celtiques. Et c'est ça qui est très troublant, c'est qu'on a affaire à un ensemble de décors qui semblent synchrones, qui semblent contemporains entre eux, et qui pourtant évoquent des mondes éloignés entre eux. Alors peut-être qu'on a ici affaire à un témoignage de la présence sur le pôle princier de Troie d'artisans exogènes, pourquoi pas d'artisans étrusques, qui auraient façonné en compagnie d'artisans celtes, pourquoi pas cet objet pour le mettre au goût du prince. Bastien Duby, là, sous le microscope, qu'y a-t-il exactement ? Vous devez reconnaître la pièce, puisque c'est vous qui l'avez fouillée. Oui, je reconnais bien ces deux petits objets-là, bien qu'ils n'étaient très peu compréhensibles au départ dans la tombe. On a affaire à deux petites agrafes décoratives qui sont en fer et en or, alors ça fait quelques centimètres. Ces agrafes, on les a retrouvées sur le corps du défunt, au niveau de la poitrine, en compagnie d'un ensemble d'autres objets, notamment des rivets en fer et en argent, et puis un petit bouton décoratif en or, en fer et en ambre. Et en fait, cet ensemble de petits objets très décorés semble traduire la présence d'un objet qui a pratiquement disparu, il ne reste que les parties métalliques, mais on peut imaginer qu'il s'agissait, pourquoi pas, d'un casque ou d'un couvre-chef qui aurait été déposé sur le haut du corps du prince, et qui, à l'origine, devait aussi participer de son costume et traduire son très haut rang. En tout cas, on le voit à travers la finesse des décors. Dominique Ropsis, puisque vous êtes devant l'écran en train de regarder, qu'est-ce que vous voyez exactement, vous ? Là, moi, je m'intéresse essentiellement à la technologie. Donc ici, ce que j'observe, c'est un trait de gravure. Et on va essayer de mesurer ses caractéristiques, voir effectivement la forme du sillon, sa profondeur, sa largeur, et voir si cet outil a pu être utilisé sur d'autres pièces du trésor. Bastien Duby, pour vous, ces deux petites agrafes, elles sont celtiques ? Il semblerait que l'ensemble des objets en fer découverts dans la tombe sont d'origine celtique. Alors là, on a affaire à des objets mixtes, en fer et en or, et dont le décor évoque, malgré tout, les prémices du premier style celtique. En tout cas, on a affaire à un motif qui s'est particulièrement intégré à cet art qui naît au cours du 5e siècle. Et donc, on pense, en l'état actuel de la question, qu'il s'agit d'un objet celtique. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Benoît Mille, nous voici devant ce qui est probablement la pièce majeure de la tombe de Lavaux. Cet énorme chaudron qui pouvait contenir plusieurs centaines de litres de liquide, dont tout indique à la fois la composition du service de vaisselle qui a été découvert, mais également les résidus qu'on a pu analyser dans le bronze, que c'était un service pour la consommation du vin. Et donc, ce service de vaisselle et cette consommation du vin invite évidemment à se tourner vers la Méditerranée et vers ce rite de banquet funéraire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait justement posé beaucoup de questions autour de ce que ce chaudron pouvait contenir, soit de la bière, soit du vin. Bien sûr, le vin méditerranéen, la bière peut-être plus nordique. Quel est son volume exact ? Le volume exact, on ne le connaît pas encore parce que la cuve est très déformée. Et donc, il va falloir attendre encore un tout petit peu pour qu'on affine les calculs, mais c'est plusieurs centaines de litres de liquide que pouvait contenir le chaudron. Ça n'est finalement pas si surprenant quand on compare ce chaudron avec ce que l'on connaît ailleurs, notamment la tombe de Vix, où on avait pu mettre en évidence que le chaudron de Vix pouvait contenir environ 800 litres de liquide. Vous travaillez bien sûr à la restauration, mais vous travaillez aussi surtout dans l'approche technologique. Oui, alors moi je suis plus particulièrement chargé d'analyser la composition élémentaire du métal et de déterminer les techniques de fabrication du chaudron et de comparer les techniques de fabrication de cette pièce majeure à une autre pièce majeure qui est la ciste à cordon, qui est aussi tout à fait exceptionnelle. On connaît d'autres cistes à cordon, mais la dimension de la ciste est vraiment très importante, quasiment deux fois celle qu'on avait découverte dans des tombes comparables en Champagne. Comment a-t-il été fabriqué ? Je dirais que le chaudron est d'abord et avant tout le travail d'un fondeur. Je dis ça parce que, bien sûr, la cuve est gigantesque et bien sûr, pour la fabriquer, il a fallu couler une ébauche, mais ensuite beaucoup retravailler cette ébauche par martelage, par déformation plastique. Mais ce qui donne la véritable personnalité du chaudron, ce sont les pièces fondues, les pièces des anses de suspension et notamment ces magnifiques petites sculptures de dieux Achelos et de têtes de lion qui ornent la lèvre du chaudron. Donc il y a une sorte d'assemblage, de rajout de pièces coulées à la cire perdue, associées donc à un ensemble plus vaste et qui est martelé ? Oui, c'est exactement ça. On a donc le chaudron, c'est à minima une dizaine de pièces assemblées sur la cuve, donc des pièces fabriquées par fonte à la cire perdue, et les premières radiographies ont permis de montrer que ces pièces étaient coulées en plein, mais sans défaut majeur, malgré les épaisseurs relativement importantes de métal que ça représente, ce qui est une belle preuve de savoir-faire, parce que savoir couler du bronze sur plusieurs centimètres sans défaut, c'est quelque chose qui ne court pas les rues, finalement, dans les techniques que nous examinons pour ces périodes-là. Bien sûr, tout ce chaudron va être entièrement restauré. Vous allez aller jusqu'où dans la restauration ? Alors, le chaudron, il est grosso modo dans un état magnifique déjà de conservation. Et l'intervention va surtout consister à consolider et à stabiliser les surfaces. Bien sûr, il y aura le dégagement des concrétions terreuses, mais déjà dans l'état que nous voyons, on voit tous les détails du travail de reprise après fonderie pour donner les petits reliefs gravés de la barbe, par exemple, qui sont déjà parfaitement visibles sur la tête d'Achelos, ou le détail des yeux aussi, qui est parfaitement... Les yeux sont déjà parfaitement détaillés et visibles. Et donc, le travail de nettoyage est relativement limité. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est la consolidation et puis la remise en scène du chaudron, puisque là, on étudie seulement un petit fragment pour l'instant, mais il va falloir attendre. L'étude de l'ensemble ne pourra se faire qu'au moment de la restauration du reste du gros bloc qui nous attend dans les mois à venir. Il y aurait des traces brunes qui seraient peut-être un matériau périssable qui aurait été posé sur donc ce chaudron ? Oui, en fait, ça a été reconnu morphologiquement, ça correspond au reste d'une planche et ça expliquerait pourquoi on a retrouvé une partie des objets de ce service pour la consommation du vin dans le chaudron. Bien sûr, ils ne pouvaient pas flotter dans le vin et donc ils étaient posés sur quelque chose et les restes que l'on voit sur l'anse correspondraient à cette planche qui permettait de poser une partie des objets du service de vaisselle sur le chaudron. Nicolas Mellard, vous êtes archéologue, mais vous travaillez aussi sur les traces. Oui, alors je suis, si vous voulez, archéologue du geste. Nous cherchons les traces des outils, mais aussi les traces de l'utilisation des objets sur des objets archéologiques. Et vous en avez bien sûr trouvé dans la tombe de Lavaux. Oui, Lavaux est une merveille pour les traceologues parce que c'est des objets qui sont vierges de toute intervention de restaurateurs. Et dès la fouille, les objets ont été prélevés en faisant attention de ne pas toucher la surface avec des outils qui pourraient impacter la surface. Du coup, on va trouver énormément de traces à l'échelle microscopique sur les objets de Lavaux. Alors on va se diriger vers peut-être une des pièces majeures, celle qui fait rêver. Une sorte de grand disque, le tout en or. Oui, alors nous sommes devant le torque en or. Alors c'est l'attribut par excellence certainement de ce prince de Lavaux qui portait. Donc c'est donc un élément de parure du cou rigide. Et nous avons donc fait pas mal d'imagerie scientifique sur cet objet. Alors la documentation en photographie, en lumière visible et aussi du scan 3D. Et au cours de ces travaux-là, on s'est rendu compte que la surface du torque a des aspects de surface bien différents à différents endroits, notamment à l'extérieur du torque et à l'intérieur du torque. Ça veut dire qu'on a retrouvé les traces d'usure qui sont liées au frottement de ce bijou sur la peau ou bien sur le vêtement du prince de Lavaux. Un des exemples qui illustre la fraîcheur de ces objets pour les archéologues. Donc, on sait désormais comment il était porté si on voit les traces d'usure. Il était porté comment? Le petit espace et les sortes de deux petits glands étaient devant ou derrière? Alors, l'iconographie antique nous montre déjà que souvent les torques ont plutôt été portés avec les éléments décoratifs vers l'avant, c'est-à-dire les deux gouttelettes sur ce torque vers l'avant. Est-ce qu'il a été porté contre la peau ou sur un vêtement au-dessus d'un foulard, un col? Ça, pour l'instant, on a du mal à le dire. Pour l'instant, on est en train d'enregistrer toutes les traces qu'on peut trouver sur l'objet. Et puis forcément, on va s'intéresser à les référentiels qui restent à créer, en fait, en archéologie expérimentale, pour voir quel type de frottement va créer ce type d'usure. Du coup, on est en plein milieu des recherches et puis on attend la suite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet qui a été visiblement très porté, donc qui était déjà peut-être un élément déjà vieux. Pour le torque, on ne sait pas vraiment. C'est vrai que certainement les bijoux ont une vie assez longue, tout comme le nokoé qui a été remanié. Beaucoup d'objets de la tombe de Lavaux, on pourrait presque les appeler des antiquités des fois. Alors peut-être est-ce que le torque est passé de génération en génération, on ne le sait pas. C'est vrai qu'un bijou qui est porté par une personne le long de sa vie va montrer des traces d'usure très très très très grandes à la fin de la vie. Alors du coup, ça peut être aussi une seule génération, on ne peut pas forcément parler d'un bijou de famille qui est donné de génération en génération. À côté, deux sublimes bracelets en or, eux aussi sont usés? Eux aussi sont usés. Les deux montrent des traces fortes d'usure. Les images microscopiques montrent toutefois qu'il y en a un qui est plus usé que l'autre. Et là, ça nous intéresse forcément beaucoup parce qu'ils sont portés par pair. Alors on se demande, est-ce qu'ils ont vraiment le même âge ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'un objet qui a été remplacé, un objet qui a été perdu? Ça, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, les objets sont typologiquement identiques. Mais quand on les regarde en détail avec des techniques adaptées, on voit des subtilités de différences dont le mystère reste à révéler. Le vase grec, le fameux Eunokwe, revenons-y, là aussi, lui, a été très utilisé. Alors, il était sans doute utilisé comme un vase à vin, comme il a déjà été utilisé avant dans son histoire grecque, avant d'être propriété du prince de Lavaux. Et il a été utilisé certainement dans le banquet, parce qu'il a été retrouvé avec le cratère, avec tout le service de vin. Du coup, il a certainement fait partie fonctionnelle de ces banquets. Car